Un bal à Yeddo par Pierre Loti. Le ministre des Affaires étrangères et la comtesse Odeska ont l'honneur de vous prier de venir passer la soirée au Rokumeikan à l'occasion de la naissance de Sa Majesté l'Empereur. On dansera. Cela est gravé en français sur un élégant carton à coin doré qui m'arrive par la poste un jour de novembre en rade de Yokohama. Au revers, il y a cette indication ajoutée à la main d'une courante écriture anglaise. Un train spécial pour le retour partira de la gare de Shibashi à 1h du matin. Moi, qui suis depuis 2 jours seulement dans ce Yokohama cosmopolite, je retourne avec un certain étonnement ce petit carton dans mes doigts. J'avoue qu'il confond toutes les notions de japonerie que mon séjour à Nagasaki m'avait données. Ce bal européanisé, ce grand monde de Yedo en habit noir et en toilette parisienne, je ne me représente pas cela très bien. Et puis, au premier abord, cette comtesse, de même que ces différentes marquises aux noms étranges que j'ai vu mentionner hier dans une chronique élégante du pays, me fait sourire. Après tout, pourquoi? Elles descendent de familles seigneuriales, ces femmes. Elles n'ont fait que changer leur titre japonais contre une équivalente couronne française. L'éducation et l'affinement aristocratique n'en sont pas moins réels et héréditaires. Il se peut même qu'il faille remonter beaucoup plus loin que nos croisades pour trouver les origines de ces noblesses-là, perdu dans les annales d'un peuple si vieux. Le soir de ce bal, il y a foule à la gare de Yokohama, au départ de 8h30. Toute la colonie européenne est sur pied, en toilette parée, pour répondre à l'invitation de cette comtesse. Les messieurs en claques, les dames en capuchonnées de dentelle et relevant de longues traînes claires sous des pelisses de fourrure, et ses invités, dans des salles d'attente pareilles aux nôtres, s'abordent en français, en anglais, en allemand. Tout ce qu'il y a de moins japonais, ce départ de 8h30. 1 heure de route et ce train de bal s'arrête à Yedo. Ici, c'est une autre surprise. Est-ce que nous arrivons à Londres, ou à Melbourne, ou à New York? Autour de la gare se dressent de hautes maisons en briques, d'une laideur américaine. Des alignements de becs de gaz laissent deviner au loin de longues rues bien droites. L'air froid est ouraillé de fils télégraphiques, et dans diverses directions, des tramways partent avec des bruits connus de timbres et de sifflets. Cependant, une nuée de bonshommes étranges, tous de noir vêtus, qui avaient l'air de nous guetter, se précipite à notre rencontre. Ce sont les jinrikisan, les hommes chevaux, les hommes coureurs. Ils s'abattent sur nous comme un vol de corbeaux. La place en est obscurcie. Chacun traînant derrière lui son petit char, ils bondissent, crient, se bousculent, nous barrant le passage comme une armée de diablotins en gaieté. Ils portent culottes collantes, dessinant les cuisses comme un maillot. Veste collante aussi, courte, à manches pagodes. Chaussures d'étoffe, à orteils séparés, se relevant en pouces de singe. Au milieu de leur dos, une inscription en grandes lettres chinoises blanches tranche sur tout ce noir du costume, comme une devise funéraire sur un catafalque. Avec des gestes macaques, ils se tapotent sur les jarrets, pour nous faire admirer combien leurs muscles en sont durs. Nous tirant par les bras, par les manteaux, par les jambes, ils se disputent nos personnes avec violence. Il y a bien quelques équipages aussi qui attendent les dames officielles des délégations. Mais la foule s'en écarte avec crainte, comme de systèmes de locomotion nouveaux, un peu risqués. On en tient les chevaux à 2 mains comme des bêtes dangereuses. Nous sautons presque tous dans les petits chars à une place que ces coureurs nous offrent. Inutile de leur dire où il faut nous mener. Au Rokumeikan, cela va de soi. Et ils partent comme des fous, sans attendre nos ordres. Chaque belle invitée, à peine assise sur son siège étroit, avec sa robe de bal relevée sur les genoux, est entraînée séparément à toutes jambes par son coureur de louage. Le mari ou le monsieur protecteur qui l'accompagnait, monté sur un petit char pareil, est entraîné de son côté à une allure différente. Nous roulons tous dans la même direction, c'est la seule chose rassurante pour les dames seules que ces diablotins emportent. Mais cela ressemble à une espèce de débandade échevelée où il n'y a plus ni famille ni groupe. Nous nous poursuivons, nous nous dépassons les uns les autres, avec des vitesses inégales et des soubresauts. Nos coureurs poussent des cris et s'emballent. Nous sommes très nombreux, un long cortège affolé. On a multiplié les invitations pour ce bal, où, bien entendu, pourtant le Mikado et encore moins son invisible épouse ne doivent paraître. Il y aura par exemple tout le grand monde nippon, et je suis très curieux de ces comtesses et de ces marquises que je vais voir là pour la première fois et en décolleté de soirée. 3 quarts d'heure environ cette course dure, dans les quartiers de banlieue peu éclairés et solitaires. Autour de nous, cela ne ressemble plus à la place de la gare. C'est bien du vrai Japon qui défile maintenant très vite, de chaque côté de ses rues ou de ses routes, dans la nuit noire. Maisonnettes de papier, pagodes sombres, échoppes drôles, lanternes saugrenues jetant de loin en loin dans l'obscurité un petit feu de couleur. Enfin nous arrivons. À la file, nos chars passent sous un portique ancien dont la toiture se retrousse par les pointes, à la chinoise. Nous voici en pleine lumière, au milieu d'une sorte de fête vénitienne, au milieu d'un jardin prétentieux où d'innombrables bougies brûlent dans des ballons de papier sur des girandoles, et devant nous se dresse le Roku Meikan très illuminé, ayant des cordons de gaz à chaque corniche, jetant des feux par chacune de ses fenêtres, éclairant comme une maison transparente. Eh bien, il n'est pas beau, le Roku Meikan. Bâti à l'européenne, tout frais, tout blanc, tout neuf, il ressemble, mon Dieu, au casino d'une de nos villes de bains quelconques. Et vraiment, on pourrait se croire n'importe où, à Yedo excepté. Cependant, de grandes banderoles étranges, aux armes du Mikado, flottent légèrement alentour. Maintenues par des cordes invisibles, très éclairées sur le fond sombre du ciel par les mille lumières d'en bas, elles sont de crépon violet, la couleur impériale, semée de ces larges chrysanthèmes héraldiques qui au Japon équivalent à nos fleurs de lys. Et puis, il y a une note bizarre, donnée aussi par ces arrivées à toutes jambes de coureurs essoufflés, jetant de minute en minute sur le perron d'entrée un danseur isolé, une danseuse toute seule. Singulier bal où chaque invité, au lieu de se rendre en voiture, est amené dans une brouette par un diablotin noir. Dans les vestibules, où le gaz flamboie, s'empressent des valets en habit noir, assez correctement cravatés, mais ayant de drôles de petites figures jaunâtres presque sans yeux. Les salons sont au premier étage, et on y monte par un large escalier que borde une triple haie de chrysanthèmes japonais dont rien ne peut donner l'idée dans nos parterres d'automne. Une haie blanche, une haie jaune, une haie rose. Dans la haie rose, qui couvre la muraille, les chrysanthèmes sont grands comme des arbres, et leurs fleurs sont larges comme des soleils. La haie jaune, placée en avant, est moins haute, et fleurie par grosses touffes, par gros bouquets d'une éclatante couleur bouton d'or. Et enfin, la haie blanche, la dernière, la plus basse, fait comme un parterre tout le long des marches, et comme un cordon de belles houppes neigeuses. En haut de cet escalier, quatre personnages, les maîtres de séance, attendent, avec des sourires, les invités à leur entrer dans les salons. Je prête peu d'attention à un monsieur en cravate blanche, décoré de plusieurs ordres, qui est le ministre sans doute. Tandis que je regarde curieusement tout de suite les trois femmes qui se tiennent debout auprès de lui, la première surtout, qui doit être évidemment la comtesse. En chemin de fer tout à l'heure, on m'a dit son histoire à cette dame, une ancienne geisha, une danseuse de louage pour les fêtes nippones, ayant su tourner la tête à un diplomate en voie de passer ministre, s'étant fait épouser, et chargé maintenant de faire les honneurs de Yedo au monde officiel des légations étrangères. J'attendais donc une créature bizarre, portant toilette à la chien savant, et je m'arrête surpris devant une personne au visage distingué et fin, gantée jusqu'à l'épaule, irréprochablement coiffée en femme comme il faut. Âge indéfinissable, embrouillé de poudre de riz. Longue traîne en satin d'un lilas très pâle, très discret, ornée de guirlandes de petites fleurs naturelles des bois, d'une nuance délicieusement assortie. Corsage formant gaine effilée et couvert d'une broderie rigide en perles changeantes. Toilette, en somme, qui serait de mise à Paris, et qui est vraiment bien portée par cette étonnante parvenue. Alors je la prends au sérieux et lui adresse un salut correct. Le sien, correct aussi, est gracieux surtout, et elle me tend la main à l'américaine, avec une aisance de si bon aloi que je me sens tout à fait conquis. Rapidement, j'inspecte les deux autres femmes au passage. D'abord une mignonne petite, toute en rose mourant, avec des camélias relevant la traîne. Et puis la dernière du groupe, sur laquelle mes yeux se seraient attardés bien volontiers. C'est la marquise Arimasen, jeune personne d'antique noblesse, mariée au grand maître des cérémonies de Sa Majesté l'Empereur. Cheveux de jais noir, relevés très haut en un chignon à la clown, suivant la mode de cet hiver-là. Jolis yeux de velours, air de petite chatte adorable. Toilette Louis XV en satin ivoire. C'est d'un effet inattendu, cet alliage de Japon et de XVIIIe siècle français. Ce gentil minois d'Extrême-Asie, portant jupe à panier et corsage en pointe longue comme à Trianon. Oh, très bien, mesdames. Mes compliments sincères à toutes les trois. Très amusantes les attitudes et très réussis les déguisements. Encore des vases où s'élancent de gigantesques chrysanthèmes, et puis, derrière ces dames, entre des pavillons japonais en trophée, le salon central s'ouvre tout grand, presque vide, entouré de banquettes sur lesquelles de rares invités sont assis avec des maintiens guindés de personnes habituées à s'accroupir par terre. À droite et à gauche, entre des colonnades ouvertes, apparaissent d'autres salons latéraux, un peu plus peuplés, où s'agit déjà des toilettes, des uniformes, et deux orchestres complets, l'un français, l'autre allemand, dissimulés dans des coins, exécutent d'irrésistibles contredanses, tirées de nos opérettes les plus connues. Ils sont vastes, ces salons, mais médiocres, il faut en convenir. Une décoration de casino de second ordre. Du lustre partent en rayonnant des guirlandes de feuillage et de lanternes en papier, tandis que sur les murs sont drapés des crépons impériaux violets à grands chrysanthèmes héraldiques blancs, ou des drapeaux chinois jaunes ouverts à dragons horribles. Et ces tentures contrastent avec la banalité des lanternes vénitiennes, de toutes les fanfoluches pendues au plafond, donnent le sentiment d'une Chine ou d'un Japon qui serait en gobette en fait de barrière. Un peu trop doré, trop chamarré, ces innombrables messieurs japonais, ministres, amiraux, officiers ou fonctionnaires quelconques en tenue de gala. Vaguement, ils me rappellent certains général Boom, qui eut son heure de célébrité jadis. Et puis, l'habit à queue déjà s'il est pour nous, comme ils le portent singulièrement. Ils n'ont pas des dos construits pour ces sortes de choses, sans doute. Impossible de dire en quoi cela réside, mais je leur trouve à tous et toujours je ne sais quelle très proche ressemblance de singe. Oh, et ces femmes! Jeunes filles à marier sur les banquettes, ou mamans rangées en tapisserie le long des murs, toutes sont plus ou moins étonnantes à voir en détail. Qu'y a-t-il en elles qui ne va pas? On cherche, on ne peut trop définir. Vertu gadin excessif, peut-être, ou insuffisant, posé trop haut ou trop bas, et corset d'un galbe inconnu. Pas de figure commune ni grossière cependant, des mains fort petites et des toilettes venues tout droit de Paris. Non, mais elles sont étranges malgré tout. Elles sont invraisemblables au dernier point, avec le sourire de leurs yeux bridés, leurs pieds tournés en dedans et leur nez plat. Évidemment, on nous a montré tout à l'heure à la porte ce qu'il y avait de mieux dans le genre, les grandes élégantes de la capitale, les seules sachant déjà porter nos tenues d'Europe. À 10 heures, entrée de l'ambassade du Céleste Empire. Une douzaine de personnages superbes aux yeux moqueurs, dépassant de la tête toute cette minuscule foule japonaise. Chinois de la belle race du Nord, ils ont dans leur démarche, sous leur soie éclatante, une grâce très noble. Et puis, ils font preuve de bon goût, ceux-ci, et de dignité, en conservant leur costume national, leur longue robe magnifiquement brochée et brodée, leur rude moustache retombante et leur queue. Avec des sourires contenus, tout en jouant de l'éventail, ils font le tour de ces salons et de ces mascarades, puis s'en vont, dédaigneux, s'isoler en plein air, s'asseoir sur une terrasse à balcon qui domine le jardin illuminé, la fête vénitienne. 10h30. Entrée des princesses du sang et des dames de la cour. Par exemple, c'est une entrée surprenante, celle-ci, autant qu'une apparition de gens d'un autre monde, de gens tombant de la lune ou bien de quelque époque perdue du passé. C'est pendant une pastourelle, sur un air de giroflée-girofla. On voit paraître deux groupes de petites femmes, petites, ballottes et de sang épuisé, s'avançant avec des airs de fées lilliputiennes, ayant des vêtements inouïs et des coiffures qui leur font d'énormes têtes de sphinx. Ces costumes qu'elles portent, on ne les a jamais vus nulle part, ni dans les rues d'aucune ville japonaise, ni sur les écrans, ni sur les images. Ils sont, paraît-il, de tradition immémoriale pour la cour et ne se montrent point ailleurs. Babouche de cendrillon, d'un rouge merveilleux, pantalon de soie écarlate, large, bouffant, s'élargissant par le bas d'une manière démesurée et se tenant tout debout, leur faisant à chaque jambe comme une jupe à crinoline, dans laquelle leur marche s'entrave avec de grands froufrous. Par là-dessus, une espèce de camail à la prêtre, blanc ou gris perle, semé de rosaces noires. L'étoffe en est magnifique, lourde, et d'une excessive rigidité de brocart. Tout le vêtement tombe, d'un seul pli raide, depuis le cou très mince jusqu'à la base très large de ces femmes idoles. Leurs petits corps mièvres, leurs petites épaules fuyantes, qui sont probablement dessous, ne se devinent à aucun contour, et leurs petits bras, leurs petites mains frêles, sont perdus dans de longues manches pagodes qui descendent de droite et de gauche, tout d'une pièce, comme des cornets renversés. Vues de près, ces rosaces noires, semées sur ces camails clairs, représentent des monstres, des oiseaux, des feuillages arrangés en rond. Elles varient pour chaque personne et sont le blason familial, les armes de la noble dame. Ce qu'il y a de plus inimaginable chez ces femmes Assurément, c'est la coiffure. Les beaux cheveux noirs, lissés, gommés, étalés sur je ne sais quelle charpente intérieure, s'éploient autour du petit visage jaune et mort comme une large roue de paon, comme un large éventail. Puis, toute la masse soyeuse se replie brusquement, avec une cassure de bonnet égyptien, retombe à plat sur la nuque et s'amincit en catogan, finit en queue. Il en résulte les têtes tout en largeur comme les corps. Cela accentue davantage l'écrasement des profils, de même que ses vêtements raides exagèrent le manque de saillie des hanches et des poitrines. On dirait des personnes échappées d'entre les feuillets de quelques vieux livres, où on les aurait conservés pendant des siècles, en les aplatissant comme des fleurs rares dans un herbier. Laide peut-être, encore n'en suis-je pas sûr, laide mais souverainement distinguée, ayant un charme malgré tout. L'air assez méprisant pour cette fête qui tourbillonne autour d'elle, gardant un sourire énigmatique dans leurs yeux à peine ouverts, toutes vont s'asseoir ensemble à l'écart dans un des salons latéraux et forment au milieu de ce bal un groupe d'aspect mystérieux. Des officiers japonais fort civils nous font les honneurs de leur pays, nous mettent en relation avec plusieurs danseuses, leurs parentes ou leurs amis. Permettez-moi de vous présenter à Mademoiselle Arimaska, ou Konichiwa, ou Karakamoko, la fille d'un de nos plus vaillants officiers d'artillerie, ou la sœur de nos ingénieurs les plus distingués. Ces demoiselles Arimaska, ou Konichiwa, ou Karakamoko sont en robe de gaze blanche, ou rose, ou bleue, mais ont toutes la même figure. Un petit minois comique de chatte, bien rond, bien aplati, avec des yeux bien retroussés en amande, qu'elle roule de droite et de gauche sous des cils chastement baissés. Au lieu de ce fagotage et de ce bon maintien, elle serait si mignonne en japonaise, en mousmée, avec des éclats de rire. Elles tiennent à la main d'élégants carnets de bal, nacre ou ivoire, sur lesquels je m'inscris gravement pour des valses, des polkas, des mazurkas, des lanciers. Mais comment les reconnaîtrais-je, les demoiselles Arimaska, les demoiselles Karakamoko et les Karamokoko des Konichiwa, quand il sera temps de venir les prendre aux premières mesures de la danse promise? Cela m'inquiète beaucoup, tant elles se ressemblent toutes. Vraiment, je vais être très embarrassé tout à l'heure au milieu de cette uniformité de minois. Elles dansent assez correctement, mes nippones en robe parisienne, mais on sent que c'est une chose apprise, qu'elles font cela comme des automates, sans la moindre initiative personnelle. Si, par hasard, la mesure est perdue, il faut les arrêter et les faire repartir. D'elles-mêmes, elles ne la rattraperaient jamais, et continueraient de danser à contre-temps. Cela s'explique assez bien, du reste, par la différence radicale entre nos musiques, entre nos rythmes et les leurs. Leurs petites mains sont adorables sous les longs gants clairs. C'est que ce ne sont point des sauvagesses qu'on a déguisées là, bien au contraire. Ces femmes appartiennent à une civilisation beaucoup plus ancienne que la nôtre et d'un raffinement excessif. Leurs pieds, par exemple, sont moins réussis. De même, ils se retournent en dedans à la vieille mode élégante du Japon. Et puis ils gardent, je ne sais quelle lourdeur, de l'habitude héréditaire de traîner les hautes chaussures de bois. On danse avec un semblant d'entrain, et le plancher de la grande bâtisse légère tremble en cadence d'une manière inquiétante. On a tout le temps présente à l'esprit quelques dégringolades possibles et formidables sur la tête des messieurs qui sont dans les salons du rez-de-chaussée fumant des Londres ou jouant au whist pour se donner un air européen. Une de mes impressions inattendues est d'entendre des mots japonais sortir de la bouche de ces danseuses modernisées. Jusqu'ici, je n'avais employé cette langue qu'à Nagasaki, avec des petits bourgeois, des marchands, des gens du peuple, tout en longue robe de magot. Avec ces femmes en toilette de bal, je ne trouve plus mes expressions. Afin de me mettre à la hauteur, j'essaie d'employer les formes élégantes et les conjugaisons honorifiques en degozarimas. Pour les gens de belle manière, il est d'usage, entre autres préciosités, d'intercaler degozarimas au milieu de chaque verbe après le radical et avant la désinence. C'est un effet bien plus pompeux que notre misérable imparfait du subjonctif français. Et ici, naturellement, ce degozarimas, on l'entend partout. Il est la dominante des conversations si extraordinairement polies qui bourdonnent dans ce bal, avec des riz légers. Mon japonais les étonne. Elles n'ont pas coutume d'entendre les officiers étrangers s'essayer à parler leur langue. Elles mettent à me comprendre toute la bonne volonté possible. La plus gentille de mes danseuses est une petite personne en rose éteint avec bouquet pompadour, 15 ans ou plus, la fille d'un de nos plus brillants officiers du génie, une demoiselle Miyogonochi ou une Karakamoko, je ne sais plus bien. Encore très bébé et sautant de tout son cœur, fort distinguée dans son enfantillage, elle serait vraiment jolie, si elle était mieux ajustée, s'il ne manquait à sa toilette le je ne sais quoi indéfinissable. Elle me comprend très bien, celle-ci, et corrige avec un charmant petit sourire chaque fois que je fais quelque énorme faute en négozarimas. Quand on finit la valse du beau Danube bleu que nous dansions ensemble, je m'inscris sur son carnet pour deux valses suivantes. Au Japon, cela peut se faire. À ce rez-de-chaussée, en plus des fumoirs, des salons de jeux, des vestibules ornés d'arbustes nains et de gigantesques chrysanthèmes, il y a trois grands buffets fort bien servis, et on y descend de temps à autre par l'escalier que borde la belle haie triple de fleurs blanches, jaunes et roses. Sur les tables couvertes d'argenterie et de pièces montées, gibier truffé, pâté, saumon, sandwich, glace, tout se trouve en abondance, comme dans un bal parisien bien ordonné. Des fruits d'Amérique et du Nippon sont rangés en pyramide dans d'élégantes corbeilles, et le champagne est des meilleures marques. La préciosité japonaise se rappelle dans ces buffets par des bosquets de poupées en treillage doré avec pampres artificielles, où sont accrochés d'excellents raisins. On en détache soi-même les grappes que l'on désire offrir à sa danseuse, et ses petites vendanges à la Watteau sont du dernier galant. Bien qu'on m'ait prévenu que c'est une chose contraire à toute étiquette, absolument inadmissible, après avoir dansé avec tant de nippones en robe française, je m'en vais là-bas, vers le groupe un peu hiératique, dont l'étrangeté m'attire, inviter une belle mystérieuse en vieux costume de cour. Devant l'air un peu moqueur de la dame qui me regarde approcher, me défiant de mon japonais détestable, je fais ma demande en français très pur. Elle ne comprend pas naturellement, ne devine même pas, tant c'est inattendu, et des yeux en appelle une autre, assise derrière elle, qui de reste s'était levée elle-même en voyant le commencement de ce colloque sans présentation, comme pour y mettre bon ordre. Et celle-ci, debout maintenant, sa forme de femme perdue dans son vêtement rigide d'un grand rosace blasonné, fixe sur moi de jolis yeux intelligents, subitement élargis comme au sortir d'une espèce de sommeil, et très éveillés, très noirs. « Monsieur, » dit-elle en français, avec un accent d'une distinction bizarre, « Monsieur, que lui demandez-vous ? L'honneur de danser avec elle, madame. » Brusquement, ses sourcils minces remontent très haut. En une seconde, toutes les nuances de la surprise passent dans son regard et puis elle penche vers l'autre le large écran noir de sa tête et lui traduit l'étonnante chose que j'ai demandée. Sourire. Et leurs deux paires d'yeux étranges se relèvent vers moi. Très gracieuse, très gentille malgré mon audace, celle qui parle français me remercie, expliquant que sa compagne, pas plus qu'elle-même, ne sait nos danses nouvelles. C'est probablement la vérité. Mais cette raison n'est pas la seule. Le décorum s'y oppose complètement, je le savais. Je le conçois d'ailleurs car je me figure tout à coup ce camail de prêtre, cette tête énorme, ce catogan, s'avançant en dame seule, dans une contredanse sur un air guéhuret d'Offenbach, et cette vision rapide me fait rire en moi-même comme une extrême incohérence. Il ne me reste plus qu'à m'incliner profondément en salut de cour. Les deux larges écrans de cheveux noirs s'inclinent aussi, avec de bienveillants sourires, avec des froufrous de soie, et je me retire sur cette défaite, regrettant de ne pouvoir continuer la conversation avec la dame interprète, dont le son de voix et l'expression d'yeux m'ont charmé. Les danses succèdent, les quinderies français alternant avec les valses allemandes, et le temps du bal s'écoule vite, la fin approche, car on se retirera de bonne heure. Ça et là, dans les coins, des choses comiques se passent. Ici, deux officiers généraux, claque sous le bras et pantalon à bandes d'or, s'aborde et s'oublie jusqu'à se saluer à la japonaise, les mains sur les genoux, le corps plié en deux, avec le sifflement spécial qu'il est d'usage de faire du bout des lèvres dans ces occasions-là. Ou bien deux élégantes toilettes, un peu Louis XV, à long buste, qui sont en train de se dégozarimasser des compliments sans fin, se font après chaque phrase des révérences qui s'accentuent de plus en plus, jusqu'à devenir le plongeon du vieux style. Étonné, égaré, rôdant au milieu des salons avec des allures de linotte effarouchée, mais rieuse quand même, il y a deux ou trois petites nippones, vraies mousmées, encore en costume national. Non pas dans le rigide costume de cour, mais dans le costume ordinaire, celui qu'on a vu partout sur les potiches et les éventails. Tunique ouverte à manches pagodes, coiffure en grande coque, sandales de paille et chaussettes à orteils séparés. Très mignonne celle-ci, jetant une jolie drôlerie exotique dans l'ensemble de cette immense farce officielle. Minuit et demi. C'est ma troisième et dernière valse avec ma petite danseuse à bouquet pompadour, fille d'un de nos plus brillants officiers du génie. Vraiment, elle est tout à fait habillée comme une jeune fille à marier de notre pays. Un peu provinciale, il est vrai, de Carpentras ou de Landerneau. et elle sait manger proprement les glaces avec une cuillère du bout de ses doigts bien gantés. Tout à l'heure, pourtant, en rentrant chez elle, dans quelques maisons à châssis de papier, elle va, comme toutes les autres femmes, quitter son corset en pointe, prendre une robe brodée de cigogne ou d'autres oiseaux quelconques, s'accroupir par terre, dire une prière shintoïste ou bouddhiste, et souper avec du riz dans des bols à l'aide de baguettes. Nous sommes devenus très camarades, cette brave petite demoiselle et moi. Comme la valse est longue, une valse de Marcaillou, et qu'il fait chaud, nous imaginons d'ouvrir une porte-fenêtre et de sortir par là, afin de prendre l'air sur la terrasse. Nous avions oublié l'ambassade céleste, qui depuis le commencement du bal avait élu domicile dans ce lieu frais, et nous tombons au milieu du cercle imposant qu'elle forme avec ses longues robes et ses moustaches à la mongole. Tous ses yeux chinois, rendus un peu insolents peut-être par les récentes affaires du Tonkin, nous regardent étonnés de notre arrivée. Nous les regardons aussi, et nous voilà, nous dévisageant les uns les autres avec ces curiosités froides et profondes de gens appartenant à des mondes absolument différents, incapables de jamais se mêler ni se comprendre. Au-dessus de cette rangée de têtes, coiffée en bonnet de mandarin et en queue, apparaît le jardin, les restes de la fête vénitienne à moitié éteinte, et enfin, au loin, une grande étendue de nuit noire, la banlieue de Yedo, où sont clairsemées quelques lanternes rouges. En l'air flottent toujours les banderoles aux armes du Mikado, les crépons violets semés de chrysanthèmes héraldiques blancs. Derrière nous sont les salons, ornés de chrysanthèmes naturels mais invraisemblables, et dans lesquels beaucoup d'uniformes, de robes claires, se tiennent alignés, immobilisés en rang, entre deux figures de quadrilles. La petite provinciale de Carpentras ou de Landerneau appuyée à mon bras me dit les choses fort civiles, en dégossarimas, sur la fraîcheur du soir, sur le temps qu'il pourra faire demain. Et tout à coup, pour comble de discordance, l'orchestre allemand qui est à l'intérieur, émoustillé par le pale ale l'américain, attaque à tourne-bras le refrain persifleur de la mascotte. Ah, ne courez donc pas comme ça, on les rattrape, on les rattrapera. Tandis qu'en bas, au bout du jardin, derrière un jet d'eau, éclate une pièce d'artillerie, un bouquet étrange, éclairant toute une foule japonaise qui était assise aux abords de ce Rokumeikan qu'on ne soupçonnait pas dans l'obscurité et qui jette par admiration une bizarre clameur. À l'orchestre, reprise échevelée, on les rattrape, on les rattrapera. Dans ce méli-mélo universel et inouï, mes notions sur les choses se voilent d'un brouillard léger. Je presse amicalement contre mon bras celui de Mademoiselle Miyogonochi ou Karakamako. Il me vient en tête une foule de choses, comiques mais innocentes, à lui dire dans toutes sortes de langues à la fois. Le monde entier, en cet instant, m'apparaît rapetissé, condensé, unifié, et absolument tourné au drôlatique. Cependant, les groupes commencent à s'éclaircir, les salons à se vider. Plusieurs dames ont fait des sorties à l'américaine. Plusieurs danseuses encapuchonnées, plusieurs cavaliers à collet relevé, se sont abandonnés isolément aux soins des diablotins noirs qui les guettaient à la porte et qui les ont emportés à toutes jambes dans leurs brouettes à travers la nuit noire. Moi-même, je vais me livrer à l'un de ces jeans coureurs afin de ne point manquer ce train spécial de retour à Yokohama qui, d'après ma carte d'invitation, doit partir à 1h du matin de la gare de Shibashi. En somme, une fête très gaie et très jolie, que ces Japonais nous ont offerte là avec beaucoup de bonne grâce. Si j'ai souri de temps en temps, c'était sans malice. Quand je songe même que ces costumes, ces manières, ce cérémonial, ces danses étaient des choses apprises, apprises très vite, apprises par ordre impérial et peut-être à contre-cœur, je me dis que ces gens sont de bien merveilleux imitateurs, et une telle soirée me semble un des plus intéressants tours de force de ce peuple unique pour les jongleries. Cela m'amusait de noter, sans intention bien méchante, tous ces détails, que je garantis du reste fidèles, comme ceux d'une photographie avant les retouches. Dans ce pays qui se transforme si prodigieusement vite, cela amusera peut-être aussi les Japonais eux-mêmes, quand quelques années auront passé, de retrouver écrite ici cette étape de leur évolution, de lire ce que fut un bal décoré de chrysanthèmes et donné au Rokumeikan pour l'anniversaire de la naissance de Sa Majesté l'Empereur Mutsuhito en l'an de grâce 1886. Ainsi s'achève un bal à Yedo par Pierre Loti.